Un soir de réunion dans une des maisons les plus aristocratiques de la ville, il dit au domestique « Annoncez le duc de Ménilgrand ». Et le domestique, étonné, annonça d'une voix de stentor « Monsieur le duc de Ménilgrand ». Ce fut un haut-le-corps général. « Ma foi, dit-il, voyant l'effet qu'il avait produit, en tant que tout le monde se donne un titre, j'ai mieux aimé prendre celui-là. » On ne souffla mot. Et même quelques-uns, de bonne humeur, se mirent à rire dans les petits coins. Mais on ne recommença plus. Il y a toujours des chevaliers errants dans le monde. Ils ne redressent plus les torts avec la lance, mais les ridicules avec la raillerie. Et Ménilgrand était de ces chevaliers-là. Il avait le don du sarcasme. Mais ce n'était pas le seul don que le dieu de la force lui eût fait. Quoique dans son économie animale, le caractère fût sur le premier plan, comme chez presque tous les hommes d'action, l'esprit resté en seconde ligne, n'en était pas moins pour lui et contre les autres une puissance. Nul doute que si le chevalier de Ménilgrand avait été un homme heureux, il n'eût été très spirituel, mais malheureux, il avait des opinions de désespéré. Et quand il était gai, chose rare, une gaieté de désespéré. Et rien ne casse mieux que la pensée fixe du malheur, le kaléidoscope de l'esprit, et ne l'empêche mieux de tourner en éblouissant. Seulement, ce qu'il avait par-dessus tout, c'était, avec les passions qui fermentaient dans son sein, une extraordinaire éloquence. Le mot qu'on a dit de Mirabeau, et qu'on peut dire de tous les orateurs, si vous l'eussiez entendu, semblait fait spécialement pour lui. Il fallait le voir à la moindre discussion, sa poitrine de volcan soulevée, passant du pas à un pas le plus profond, le fond labouré de houle de rides, comme la mer dans l'ouragan de sa colère, les pupilles jaillissant de leurs cornets, comme pour frapper ceux à qui il parlait. Deux balles flamboyantes fallait le voir haletant, palpitant, l'haleine courte, la voix plus pathétique à mesure qu'elle se brisait davantage, l'ironie faisant trembler l'écume sur ses lèvres, longtemps vibrante, après qu'il avait parlé, plus sublime d'épuisement après ses accès que Talma dans Oreste, plus magnifiquement tué et cependant ne mourant pas, n'étant pas achevé par sa colère, mais la reprenant le lendemain, une heure après, une minute après, phénix de fureur, renaissant toujours de ses cendres. Et en effet, n'importe à quel moment, on toucha à de certaines cordes, immortellement tendues en lui, il s'en échappait des résonances à renverser celui qui aurait eu l'imprudence de les effleurer. « Il est venu passer hier la soirée à la maison, disait une jeune fille, à une de ses amies. Ma chère, il y a rugi tout le temps. C'est un démoniaque. On finira par ne plus le recevoir du tout, monsieur de Ménilgrand. » Sans ces rugissements de mauvais ton, pour lesquels ne sont faits ni les salons ni les âmes qui les habitent, peut-être aurait-il intéressé les jeunes filles qui en parlaient avec cette moqueuse sévérité. Lord Byron commençait à devenir fort à la mode dans ce temps-là. Et quand Ménilgrand était silencieux et contenu, il y avait en lui quelque chose des héros de Byron. Ce n'était pas la beauté régulière que les jeunes personnes à âme froide recherchent. Il était rudement laid, mais son visage pâle et ravagé, sous ses cheveux châtains restés très jeunes, son front ridé prématurément comme celui de Lara ou du corsaire, son nez épaté de léopard, ses yeux glauques, légèrement bordés d'un filet de sang, comme ceux des chevaux de race très ardents, avaient une expression devant laquelle les plus moqueuses de la ville de se sentaient troublées. Quand il était là, les plus ricaneuses ne ricanaient plus. Grand, fort, bien tourné, quoiqu'il se voit un peu du haut du corps, comme si la vie qu'il portait eût été une armure trop lourde, le chevalier de Ménilgrand avait, sous son costume moderne, l'air perdu, qu'on retrouve dans certains majestueux portraits de famille. « C'est un portrait qui marche, » disait encore une jeune fille, qui le voyait entrer dans un salon pour la première fois. D'ailleurs, Ménilgrand couronnait tous ses avantages par un avantage supérieur à tous les autres, aux yeux de ses fillettes. Il était toujours divinement mis. Était-ce là une dernière coquetterie de sa vie d'homme à femme, à se désespérer, et qui survivait à cette vie finie, enterrée comme le soleil couché, envoie un dernier rayon rose au flanc des nuages derrière lesquels il a sombré? Était-ce un reste du luxe satrapesque, étalé autrefois par cet officier de Chamboran, qui avait fait payer au vieil avare son père, quand son régiment fut licencié, 20 000 francs seulement de peau de tigre, pour ses chabraques et ses bottes rouges? Mais le fait est qu'aucun jeune homme de Paris ou de Londres ne l'eût emporté par l'élégance sur ce misanthrope, qui n'était plus du monde, et qui, pendant les 3 mois de son séjour à A, ne faisait que quelques visites, et puis après, n'en faisait plus. Il y vivait comme à Paris, livré à sa peinture jusqu'à la nuit. Il se promenait peu dans cette ville propre et charmante, à l'aspect rêveur, bâtie pour des rêveurs, cette ville de poètes, où il n'y en avait peut-être pas un. Quelquefois, il y passait dans quelques rues, et le boutiquier disait à l'étranger qui remarquait sa hautaine tournure « C'est le commandant Ménilgrand », comme si le commandant Ménilgrand devait être connu de toute la terre. Qu'il l'avait vu une fois ne l'oubliait plus. Il imposait, comme tous les hommes, qui ne demandent plus rien à la vie. Car qui ne demande rien à la vie est plus haut qu'elle, et c'est elle alors qui fait des bassesses avec nous. Il n'allait point au café, avec les autres officiers, que la restauration avait rayé de ses cadres de service, et auxquels il ne manquait jamais de donner une poignée de main quand il les rencontrait. Les cafés de province répugnaient à son aristocratie. C'était pour lui affaire de goût que de ne pas entrer là. Cela ne scandalisait personne. Les camarades étaient toujours sûrs de le rencontrer chez son père, devenu pendant son séjour magnifique d'avare qu'il était pendant son absence, et qui leur donnait des festins appelés par eux des Balthazars, quoiqu'il n'eût jamais lu la Bible. Il y assistait en face de son fils, et quoiqu'il fût vieux et sembla-t-il par la tenue un personnage de comédie, on voyait que le père avait dû être, dans le temps, digne de procréer cette géniture, dont il avait l'orgueil. C'était un grand vieillard très sec, droit comme un mât de vaisseau, qui tenait altièrement tête à la vieillesse. Toujours vêtu d'une longue redingote de couleur sombre, qui le faisait paraître encore plus grand qu'il n'était, il avait extérieurement l'austérité du penseur, ou d'un homme pour lequel le monde n'avait ni pompe ni œuvre. Il portait, sans le quitter jamais, depuis des années, un bonnet de coton, avec un large serre-tête lilas. Mais nul plaisant n'aurait songé à rire de ce bonnet de coton, la coiffure traditionnelle du malade imaginaire. Le vieux monsieur de Ménilgrand ne prêtait pas plus à la comédie qu'à personne. Il aurait coupé le rire sur les lèvres joyeuses de Rognard, et rendu plus pensif le regard pensif de Molière. Quelle qu'eût être la jeunesse de ce Géronte ou de ces Tarpagons presque majestueux, cela remontait trop loin pour qu'on s'en souvînt. Il avait donné, disait-on, du côté de la Révolution, quoiqu'il fût le parent de Vic d'Azyr, le médecin de Marie-Antoinette, mais ce n'avait pas été long. L'homme du fait, les Normands appellent leur bien leur fait, expression profonde, le possesseur luthérien avait en lui promptement redressé l'homme d'idées. Seulement, de la Révolution, il était sorti athée politique, comme il y était entré athée religieux, et ces deux athéismes combinés en avaient fait un négateur carabiné, qui aurait effrayé Voltaire. Il parlait peu du reste de ses opinions, excepté dans ses dîners d'hommes qu'il donnait pour fêter son fils, où, se trouvant en famille d'idées, il laissait échapper des lueurs d'opinion qui aurait justifié ce qu'on disait de lui par la ville. Pour les gens religieux et les nobles dont elle était pleine, c'était en effet un vieux réprouvé, qu'il était impossible de voir, et qui s'était fait justice en allant chez personne. Sa vie était très simple, il ne sortait jamais. Les limites de son jardin et de sa cour étaient pour lui le bout du monde. Assis l'hiver sous le grand manteau de la cheminée de sa cuisine, où il avait fait rouler un vaste fauteuil rouge-brun de velours d'Utrecht à larges oreilles, silencieux devant les domestiques qu'il gênait de sa présence, car devant lui il n'osait pas parler haut, et il s'entretenait à voix basse comme dans une église. L'été, il les délivrait de sa présence, et il se tenait dans sa salle à manger, qui était fraîche, lisant les journaux ou quelques bouquins d'une ancienne bibliothèque de moines, achetée par lui à la criée, ou classant des quittances devant un petit secrétaire d'érable, à coin cuivré, qu'il avait fait descendre là, pour ne pas être obligé de monter un étage, quand ses fermiers venaient, et quoique ce ne fût pas là un meuble de salle à manger. S'il se passait autre chose que des calculs d'intérêt dans sa cervelle, c'est ce que personne ne savait. Sa face, à nez court, un peu écrasée, blanche comme la céruse et trouée de petites véroles, ne laissait rien filtrer de ses pensées, aussi énigmatiques que celles d'un chat qui fait ronron au coin du feu. La petite vérole, qui l'avait criblée, lui avait rougi les yeux et retourné les cils en dedans, qu'il était obligé de couper. Et cette horrible opération, qu'il fallait répéter souvent, lui avait rendu la vue clignotante, si bien que quand il vous parlait, il était obligé de mettre la main sur ses sourcils, comme un garde-vue, pour s'assurer le regard, en se renversant un peu en arrière, ce qui lui donnait tout à la fois un grand air d'impertinence et de fierté. On n'eût certainement avec aucun lorgnon obtenu un effet d'impertinence supérieur à celui qu'obtenait le vieux monsieur de Ménilgrand, avec sa main tremblante, posée de champ sur ses sourcils pour vous ajuster et vous voir mieux quand il vous interpellait. Sa voix était celle d'un homme qui avait toujours eu le droit du commandement sur les autres, une voix de tête plus que de poitrine, comme celle d'un homme qui a lui-même plus de tête que de cœur. Mais il ne s'en servait pas beaucoup. On aurait dit qu'il en était aussi avare que de ses écus. Il l'économisait, non pas comme le centenaire Fontenelle économisait la sienne, quand il interrompait sa phrase, lorsqu'il passait une voiture, pour la reprendre après que le roulement de la voiture avait cessé. Le vieux monsieur de Ménilgrand n'était pas, comme le vieux Fontenelle, un bonhomme de porcelaine fêlée, perpétuellement occupé à surveiller ses fêlures. C'était, lui, un antique dolmen de granit pour la solidité. Et s'il parlait peu, c'est que les dolmens parlent peu, comme les jardins de la fontaine. Quand cela lui arrivait, du reste, c'était d'une brièvement façon à la Tacite. En conversation, il gravait le mot. Il avait le style lapidaire, et même lapidant, car il était né caustique. Et les pierres qu'il jetait dans le jardin des autres atteignaient toujours quelqu'un. Autrefois, comme beaucoup de pères, il avait poussé des cris de cormoran contre les dépenses et les folies de son fils. Mais depuis que Ménil, ainsi qu'il disait par abréviation familière, était resté pris comme un titan sous la montagne renversée de l'Empire, il avait pour lui le respect d'un homme qui a pesé la vie dans tous les trébuchets du mépris, et qui trouvait que rien n'est plus beau, après tout, que la force humaine écrasée par la stupidité du destin. Et il le lui témoignait à sa manière, et cette manière était expressive. Quand son fils parlait devant lui, il y avait de l'attention passionnée sur cette froide face blafarde, qui semblait une lune dessinée au crayon blanc sur papier gris, et dont les yeux, rougis par la petite vérole, eussent été passés à la sanguine. D'ailleurs, la meilleure preuve qu'il pût donner du cas qu'il faisait de son fils Ménil, c'était pendant le séjour chez lui de ce fils, le complet oubli de son avarice, de cette passion qui lâche le moins de sa poigne froide l'homme qu'elle a pris. C'était ces fameux dîners qui empêchaient M. Deltog de dormir et qui agitaient les lauriers de ses jambons au-dessus de sa tête. C'était ces dîners comme le diable peut seul en tripoter pour ses favoris. Et de fait, les convives de ces dîners-là n'étaient-ils pas les très grands favoris du diable? Tout ce que la ville et l'arrondissement ont de gueux et de scélérats se trouve là, marmottaient les royalistes et les dévots qui avaient encore les passions de 1815. Il doit s'y dire furieusement d'infamie et peut-être s'y en faire, ajoutait-il. Les domestiques, qu'on ne renvoyait pas au dessert, comme au souper du baron d'Holbrach, colportaient en effet des bruits abominables par la ville, sur ce qu'on disait en ses ripailles. Et la chose même devint si forte dans l'opinion que la cuisinière du vieux, M. de Ménilgrand, fut circonvenue par ses amis et menacée de ceci, que pendant la visite du fils Ménilgrand à son père, M. le curé ne la laisserait plus approcher des sacrements. On éprouvait alors dans la ville de, pour ces agapes si tympanisées de la place Turin, une horreur presque égale à l'horreur que les chrétiens au Moyen-Âge ressentaient pour ces repas des Juifs, dans lesquels ils profanaient des hosties et égorgeaient des enfants. Il est vrai que cette horreur était un peu tempérée par les convoitises d'une sensualité très éveillée, et par tous les récits qui faisaient venir l'eau à la bouche des gourmands de la ville, quand on parlait devant eux des dîners du vieux monsieur de Ménilgrand. En province et dans une petite ville, tout se sait. La halle y est mieux que la maison de verre du Romain. Elle y est une maison sans mur. On savait un perdreau, ou à une bécassine près, ce qu'il aurait ou ce qu'il y avait eu à chaque dîner hebdomadaire de la place Turin. Ces repas qui avaient ordinairement lieu tous les vendredis raflaient le meilleur poisson et le meilleur coquillage à la halle, car on y faisait impudemment chair de commissaire, en ces fessins affreux et malheureusement exquis. On y mariait fastueusement le poisson à la viande, pour que la loi de l'abstinence et de la mortification, prescrite par l'Église, fût mieux transgressée. Et cette idée-là était bien l'idée du vieux monsieur de Ménilgrand et de ses satanés convives. Cela leur assaisonnait leur dîner de faire gras les jours maigres, et par-dessus leur gras de faire un maigre délicieux. Un vrai maigre de cardinal. Il ressemblait à cette napolitaine qui disait que son sorbet était bon, mais qu'il l'aurait trouvé meilleur s'il avait été un péché. Et que dis-je un péché? Il aurait fallu qu'il en fût plusieurs pour ces impies, car tous, tant qu'ils étaient, qui venaient s'asseoir à cette table maudite, c'étaient des impies de Haute-Grèce et de Crète écarlate, de mortels ennemis du prêtre, dans lequel ils voyaient toute l'Église, des athées absolus et furieux, comme on l'était à cette époque, l'athéisme d'alors étant un athéisme très particulier. C'était en effet celui d'une période d'hommes d'action de la plus immense énergie, qui avait passé par la Révolution et les guerres de l'Empire, et qui s'était vautré dans tous les excès de ces temps terribles. Ce n'était pas du tout l'athéisme du XVIIIe siècle, dont il était pourtant sorti. L'athéisme du XVIIIe siècle avait des prétentions à la vérité et à la pensée. Il était raisonneur, sophiste, déclamatoire, surtout impertinent. Mais il n'avait pas les insolences des soudards de l'Empire et des régicides apostats de 93. Nous qui sommes venus après ces gens-là, nous avons aussi notre athéisme absolu, concentré, savant, glacé, haïsseur, haïsseur implacable, ayant pour tout ce qui est religieux la haine de l'insecte pour la poutre qu'il perce. Mais lui, non plus que l'autre, cet athéisme-là, ne peut donner l'idée de l'athéisme forcené des hommes du commencement du siècle, qui, élevés comme des chiens par des voltairiens, leurs pères, avaient depuis qu'ils étaient hommes mis leurs mains jusqu'à l'épaule dans toutes les horreurs de la politique et de la guerre, et de leur double corruption. Après 3 ou 4 heures de buverie et de mangerie blasphématoire, la salle à manger hurlante du vieux monsieur de Ménilgrand avait de bien autres vibrations et une bien autre physionomie que ce piètre cabinet de restaurant où quelques mandarins chinois de la littérature ont fait dernièrement leur petite orgie à 5 francs par tête contre Dieu. C'était ici de toute autre bombance, et comme elles ne recommenceront probablement jamais, du moins dans les mêmes termes, il est intéressant et nécessaire pour l'histoire des mœurs de les rappeler. Ceux qui les faisaient, ces bombances ce sacrilèges, sont morts et bien morts. Mais à cette époque, ils vivaient, et même c'est l'époque où ils vivaient le plus, car la vie est plus forte quand ce ne sont pas les facultés qui baissent, mais les malheurs qui ont grandi. Tous ses amis de Ménilgrand, tous ses commensaux de la maison de son père, avaient la même plénitude de forces actives qu'ils eussent jamais eues. Et ils en avaient davantage, puisqu'ils les avaient exercées, puisqu'ils avaient bu à la bonde du tonneau de tous les excès du désir et de la jouissance, sans avoir été foudroyés par ces spiritueux renversants. Mais ils ne tenaient plus entre leurs dents et leurs mains crispées la bonde du tonneau qu'ils avaient mordu. Comme Cynégire son vaisseau pour le retenir. Les circonstances leur avaient arraché des dents cette mamelle qu'ils avaient tétée, sans l'épuiser, et ils n'en avaient que plus soif de l'avoir tétée. C'était pour eux aussi, comme pour Ménilgrand, l'heure de l'engagement. Ils n'avaient pas la hauteur de l'âme de Ménil, de ce Roland le Furieux dont l'Arioste, s'il avait eu un Arioste, aurait dû ressembler de génie tragique à Shakespeare. Mais à leur niveau d'âme, à leur étage de passion et d'intelligence, ils avaient, comme lui, leur vie finie avant la mort, qui n'est pas la fin de la vie et qui souvent vient bien longtemps avant sa fin. C'était des désarmés avec la force de porter des armes. Ils n'étaient pas tous ces officiers que des licenciés de l'armée de la Loire. C'étaient les licenciés de la vie et de l'espérance. L'Empire perdu, la Révolution écrasée par cette réaction, qui n'a pas su la tenir sous son pied, comme Saint-Michel y tient le dragon, tous ces hommes rejetés de leur position, de leurs emplois, de leurs ambitions, de tous les bénéfices de leur passé, étaient retombés impuissants, défaits, humiliés, dans leur ville natale, où ils étaient revenus crevés misérablement comme des chiens, disait-il avec rage. Au Moyen-Âge, ils auraient fait des pastoureaux, des routiers, des capitaines d'aventure, mais on ne choisit pas son temps. Mais les pieds pris dans les rainures d'une civilisation, qui a ses proportions géométriques et ses précisions impérieuses, force leur était de rester tranquilles, de ronger leurs freins, d'écumer sur place, de manger et de boire leur sang, et d'en ravaler le dégoût. Ils avaient bien la ressource des duels, mais que sont quelques coups de sabre ou de pistolet, quand il leur eût fallu des hémorragies de sang versé à noyer la terre, pour calmer l'apoplexie de leur fureur et de leur ressentiment. Vous vous doutez bien, après cela, des orémus qu'ils adressaient à Dieu quand ils en parlaient, car s'ils n'y croyaient pas, d'autres y croyaient, leurs ennemis. Et c'était assez pour maugréer, blasphémer et canonner dans leurs discours tout ce qu'il y a de saint et de sacré parmi les hommes. Ménilgrand disait d'eux un soir, en les regardant autour de la table de son père, et aux lueurs d'un punch gigantesque, qu'on en monterait un beau corsaire. Rien n'y manquerait, ajoutait-il, en guignant 2 ou 3 défroqués, mêlés à ses soldats sans uniforme, pas même des aumôniers, si c'était là une fantaisie de corsaire que des aumôniers. Mais après la levée du blocus continental et l'époque folle de paix qui suivit, si ce ne fut pas le corsaire qui manqua, ce fut l'armateur. Eh bien, ces convives du vendredi, qui scandalisaient hebdomadairement la ville de, vinrent, suivant leur usage, dîner à l'hôtel Ménilgrand le vendredi, en suivant le dimanche, où Ménil avait été si brusquement appréhendé dans l'église, par un de ses anciens camarades, étonné et furieux de l'y voir. Cet ancien camarade était le capitaine Rançonnet, du 8e Dragon, lequel, par parenthèse, arriva un des premiers au dîner de ce jour-là, n'ayant pas revu Ménilgrand de toute la semaine, et n'ayant pu encore digérer sa visite à l'église et la manière dont Ménil l'avait reçu et planté là, quand il lui avait demandé des explications. Il comptait bien revenir sur cette chose stupéfiante dont il avait été témoin, et qu'il tenait à éclaircir en présence de tous les conviés du vendredi, qu'il régalerait de cette histoire. Le capitaine Rançonnet n'était pas le plus mauvais garçon des mauvais garçons de la bande des vendredis, mais il était l'un des plus fanfarons, et tout à la fois des plus naïfs d'impiété. Quoiqu'il ne fût pas sot, il en était devenu bête. Il avait toujours l'idée de Dieu dans l'esprit, comme une mouche dans le nez. Il était de la tête aux pieds un officier du temps, avec tous les défauts et qualités de ce temps pétri par la guerre et pour la guerre, et ne croyant qu'à elle, et n'aimant qu'elle. Un de ces dragons qui font sonner leurs gros talons, comme dit la vieille chanson dragonne. Des 25 qui dînaient ce jour-là à l'hôtel Ménilgrand, il était peut-être celui qui aimait le plus Ménil, quoiqu'il eût perdu le fil de son Ménil, depuis qu'il l'avait vu entrer dans une église. Est-il besoin d'en avertir? La majorité de ces 25 convives se composait d'officiers, mais il n'y avait pas à ce dîner que des militaires. Il y avait des médecins, les plus matérialistes des médecins de la ville, quelques anciens moines fuyards de leur abbaye et en rupture de vœux, contemporains du père Ménilgrand, deux ou trois prêtres soi-disant mariés, mais en réalité concubinaires, et brochant sur le tout un ancien représentant du peuple qui avait voté la mort du roi. Bonnet rouge ou shako, les uns révolutionnaires à tout craint, les autres bonapartistes s'effrénés, prêts à se chamailler et à s'arracher les entrailles, mais tous athées, et sur ce point seul de la négation de Dieu et du mépris de toutes les églises, de la plus touchante unanimité. Ce sanhédrin de diables à plusieurs espèces de cornes était présidé par ce grand diable en bonnet de coton, le père Ménilgrand, à la face blême et terrible sous cette coiffure, qui n'avait plus rien de bouffon avec cette pareille tête par-dessous, et qui se tenait droit au milieu de sa table, comme l'évêque mitré de la messe du sabbat vis-à-vis de son fils Ménil, au visage fatigué de lion au repos, mais dont les muscles étaient toujours prêts de jouer dans son mufle ridé et de lancer des éclairs. Quant à lui, disons-le, il se distinguait impérialement de tous les autres. Ses officiers, anciens beaux de l'Empire, où il y eut tant de beaux, avaient certes de la beauté et même de l'élégance, mais leur beauté était régulière, tempéramenteuse, purement ou impurement physique, et leur élégance soldatesque, quoique en habit bourgeois, ils avaient conservé le raide de l'uniforme, qu'ils avaient porté toute leur vie. Selon une expression de leur vocabulaire, ils étaient un peu trop ficelés.